Amis chasseurs, vous êtes prêts pour votre sport favori? Le magasin Ferlac de Dolbeau-Mistassini a tout ce qu'il faut pour une recette gagnante. La pierre de sel, 9,99 le 20 kg ou 8,99 à l'achat de 3. Le sel de chasse de marque ProParc, 7,99 le 20 kg ou 3 sacs pour 17,99. Le magasin Ferlac, 727 boulevard Vézina, 418-276-3918. Toute l'équipe du magasin Ferlac souhaite à tous les chasseurs la meilleure saison de chasse possible. On a appris une nouvelle en fin de semaine, la Ligue de hockey JKLS. Ben, Marcel Maltin, un monument, on peut dire, du hockey de la Ligue JKLS, pour mieux connu, c'est la Ligue de hockey junior régional et également midget régional, ben, finalement, n'est plus à la tête de la Ligue. Question de savoir davantage qu'est-ce qui se passe, on lui parle. Bonjour Marcel. Bonjour Bonny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Marcel, qu'est-ce qui se passe avec la Ligue? Qu'est-ce qui s'est passé en fait là? Ben, ce qui se passe, on a eu une assemblée générale à mai. Puis tout au cours de l'hiver passé, les équipes juniors auraient voulu qu'on aurait enlevé une équipe au lac. Il y avait deux équipes au Saguenay, puis nous autres dans l'exécutif, on était 7 membres. On travaillait pour avoir une autre équipe de plus à l'AB. Ça allait bien, le midget commence cette année, l'année prochaine, on envisageait. Puis à ce moment-là, mais les équipes du lac, eux autres, avaient voulu qu'on enlève une équipe, disons, enlever Robertval, le C, Normandin, puis Allemand. À ce moment-là, ça devient une ligne à quatre équipes. Une ligne à quatre équipes, là, tu vas jamais bien loin. Là. Ils m'ont donné des trop gros pourcentages. D'abord, chaque administrateur d'équipe, il pensait qu'à son affaire, il se fout de la balance. Mm. Fait qu'à ce moment-là, moi, à ce moment-là, j'ai dit non, on ira pas là-dedans, on s'en va là. Fait qu'ils ont peint de ça. Fait que l'administrateur, ils ont claqué tout le monde par en arrière, puis il y a eu un vote. C'est Pierre Gay qui s'est présenté à la présidence. OK. Puis c'est Pierre Gay qui a été élu. OK. Mais Marcel, qu'est-ce qui explique en fin de semaine et par la suite que, c'est toi, tu me dis ça, mais par la suite que les gens ont démissionné tout au long de l'été? Ben oui, ben ce qui arrive, on avait, moi, j'avais un bon groupe de gens, on était sept, un bon groupe de gens très ponctuels, puis on va te le dire, actifs. On allait à toutes les games, tout le monde était, j'étais heureux, moi, je suis là, j'étais là longtemps comme président, parce que, tu sais, je travaillais avec tout le monde, là, tu sais, vraiment. Bon, ben, ça allait bien là-dessus. Fait qu'à ce moment-là, eux autres, quand ils ont vu qu'il y avait un changement de même, ben, ils ont dit, ouais, ben, c'est de même, on s'en va. Mm-hmm. C'est ce moment-là. Puis là, ben, je vais te dire, la Ligue, bon, les prix à la Ligue étaient fermés depuis un an. C'est moi qui l'ai ouvert. Bon. Okay? Fait que là, moi, je voulais pas la refermer. Mais je suis encore en forme, hein. Je peux encore la rouvrir, cette femme. Mais je vais te dire qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est pas bien compliqué, Danny. Toi, t'es un bon gars, Danny. Au niveau des sports, du micro, là, tu m'enterreras dans 20 pieds de terre. Oui. Okay? Bon, mais à un moment donné, si je te donnerais un camion pour le chauffer pour aller à Montréal, oh, tu deviendrais peut-être bien toi. Ouais. Avec un camion des mains. Mais Marcel. Hein? Bon, mais je veux dire, là, c'est ça la situation. Marcel, moi, ce que je déplore là-dedans, puis je te l'ai dit, je sais qu'on va s'en est parlé en dehors des ondes ce matin, je l'ai écrit sur mon Facebook. Je trouve ça un petit peu difficile, puis à quelque part, je trouve ça dommage parce que. Marcel Maltais, c'est combien d'années que vous êtes à la tête? T'es à la tête de la Ligue de hockey? J'étais comme président, c'est ma 33e année. Tu trouves ça normal? Comme président de la Ligue. Ouais, mais tu trouves ça normal? Comme président de la Ligue. Tu trouves ça normal qu'un gars, peu importe la parti politique, qu'un gars qui est président d'un organisme pendant 33 ans, il me semble qu'après 15-20 ans, le meilleur est sorti de la personne? Tu trouves pas? Ben, écoute, là, si tu. Moi, je suis pas prêt à dire ça. Quand ça va bien, quand t'as pas d'horlire, moi, j'avais tous les gars pas mal plus jeunes, ça allait très bien. Puis moi, j'avais discuté avec mes gars, puis j'envisageais peut-être de venir à peut-être, mais, tu sais, tout le monde, chacun faisait sa job, là. Tu sais, moi, j'étais pas resté rien qu'avec tous les gars dont je n'avais les plus jeunes, j'avais toute une bonne structure. Mais la relève, c'était pas ta responsabilité. Les gars se tenaient. Oui, mais la responsabilité, c'était pas. Marcel, c'était pas ta responsabilité de préparer ta relève à toi, parce que me semble que. Je sais pas. Ma relève était très bien préparée. On l'a pas vu? Très bien, j'avais deux chemins pour la relève. Mais pourquoi tu ne l'as pas sorti? Non, mais là, ils ont arrivé, ils n'ont pas pris la relève. Les équipes ont été votées pour un autre. Puis après ça, ben moi, là, au niveau d'être président de la Ligue, là, vous savez, très disponible. Hein. Moi, j'étais le midi, le matin, le soir, puis on comptait pas les heures par jour. Oh. Tandis que là, Pierre Gay, ben, il était maître Tagami, il travaille, il était maître Tagami. Oui. Fait que, écoute, à un moment donné, je comprends, là. Ça ne peut pas marcher de même. Non, mais moi, ce que je trouve triste, Marcel, ce que je trouve triste, c'est que, regarde, là, l'histoire, tu étais 33 ans à la tête de ça, c'est que si tu te serais retiré, on parlerait de Marcel Maltais en biais. Là, on parle de Marcel Maltais avec un découp par en arrière qui s'est fait un petit peu tasser. C'est ça que je trouve triste. Non, un petit... non, regardez, là, sur Facebook, je pourrais très bien me faire maganer. Même toi, t'as mis quelque chose sur ton Facebook à toi, il n'y a pas eu bien des personnes à part le garçon Pierre Gay. Le monde, voyons, je suis très satisfait de la situation. Moi, on va te dire, je l'avais mal genou, l'administrateur peut me retirer, mais seulement que tout allait très bien dans la Ligue Midget, dans la Ligue Junior aussi. Il va arriver quoi, là, à partir de maintenant? S'ils viennent dépourvus, ils sont plus capables, ils viendront voir. Oui, l'équipe, il y avait 7 personnes, tout le monde s'en prend. Puis là, tu serais. Parce que là. Faut que tu sois disponible, faut que tu sois là, là. Parce que là, la Ligue va. Les équipes, à l'heure actuelle, à l'allemand, ont annulé la moitié de leurs matchs, pratiquement, les matchs pré-saison. Ça ne marche pas de même. Non, c'est ça. C'est pas sérieux. Mais là, il va arriver. Mais là, la Ligue ouvre vendredi, les matchs vont arriver vendredi. Il va arriver quoi? Au niveau de la structure? Ben là, il va arriver. Parce que là, est-ce qu'il y a des... Ben moi, écoute, là, c'est les équipes, on peut pas se permettre de parler du junior et du midget double lettre comme ça dans la région. Hein? Moi, voilà. Je pense qu'on peut pas. Fait qu'à ce moment-là, il y a des possibilités. Bon. Oui. Mais tu l'as-tu vu venir le coup par en arrière? Ben oui, je voyais venir le coup définitivement. Là. Et moi, comme je t'ai dit tantôt, là, aller enlever une équipe au lac, là, écoute, Danny, tu es au Traverval, tu sais, t'es une équipe à quatre. On est mieux d'essayer d'en remettre une à la baie plutôt. Okay. Et les équipes, comme je te dis, n'étaient pas contents qu'on mette une équipe à la vie. Roncar non plus. Il y en a mieux resté deux équipes. Mais moi, Marcel, ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est que Robert Val, ça fait pas beaucoup d'années que l'équipe est là, puis ça a été accepté par les gouverneurs, puis au bout de 2 ans après, on aurait décidé d'abandonner ça? C'est ça que j'ai de la misère à comprendre. Non, Robert Val veut le rester. C'est les autres équipes. Il est gros. Tu regardes ta population au lac Saint-Jean. Tu regardes ta population au Saguenay. Ouais. Tu as 3 équipes au lac Saint-Jean, tu en as 2 au Saguenay. C'est vrai que c'est de balancer. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais? Bon, à ce moment-là, on a structuré, travailler avec les gens de la baie pour ramener une équipe junior à la baie avec notre liste de protection, liste 25. Mais à l'heure actuelle, ils essayent de dire, ils ont fait un repérage la semaine passée, même pas par téléphone, par texto. Ouais. Mais moi, Marcel, est-ce que... Mais... Le humain, puis la chair humaine, quand on parle, ça a sa place. Mais Marcel, moi, je reviens à ce que je te disais. Tu dis que Robert Val, les gouverneurs du Saguenay voulaient enlever Robert Val, puis toi, t'as voulu protéger ça. C'est ça que tu me dis, actuellement? Non, mais... Non, les gouverneurs du Saguenay voulaient pas avoir une troisième équipe à la baie. OK. Ouais. Les gouverneurs, l'équipe de Normandais et l'équipe d'Allemand, ben là, ils auraient voulu enlever une équipe au lac Saint-Jean, enlever Robert Val. OK. Bon, ben moi, là, ça, c'était la mort à court terme. Bon. À 4 équipes, il y en a une qui a quelque chose depuis. Mais peu importe, Marcel, moi ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est que les gouverneurs l'ont accepté, Robert Val. Les gouverneurs l'ont accepté il y a 2 ans, puis là, soudainement, ils l'auraient refusé, ils l'auraient retiré. Non, ils n'acceptent Robert Val, pas vous qu'ils n'acceptent pas, mais il y avait, à cause qu'il y avait un deux au Saguenay, il aurait voulu revenir trois, un deux au lac. Bon, OK, Alma et Normandin. Je t'explique, c'est ça. L'année prochaine, on s'en revenait avec une solution. Cette année, ils commencent avec une simple lettre, ils reviennent. Tu sais, puis avec notre système de liste 25, qu'on a là pour aider les équipes, puis après ça, ben une ligue, ça va bien pour les gens de la ligue se respectent, là. Mm. Tu sais, quand il y en a qui ne respectent plus, là, ça va pas bien, là. Tu sais. Ouais. Fait que c'est la raison, c'est ça. Ben Marcel, on va surveiller le dossier de près. C'est sûr que moi, je pense que quelque part, c'est dommage. C'est très dommage. C'est toute la population qui est là. Il y a une grosse épine de Damoclès sur la ligue qui commence vendredi. Puis on espère que ça va se régler pour le mieux. Ben, on va t'avouer. Puis là, il y a eu deux autres démissions cette semaine. Ouais. Le publiciste, le registrariat... Il a démissionné, il commençait à se faire dire n'importe quel sénateur, l'autre disait l'autre, il faisait toutes sortes de changements. Tu sais, vous, tu respectes tes membres. Mm. Moi, là, je ne faisais rien sans consulter mon nom. Mm. Ben, Marcel. Tu sais, on avait vraiment une bonne équipe. Ouais. Ben, Marcel, on se reparle prochainement. Le président de, l'ex-président de la Ligue JKLS, Marcel Maltais.